c'est la fantaisie ensemble. Ce petit point clair, c'est le partage de spectacle, c'est un point clair de partie, finalement, c'est ça. Un point parti le point, vous êtes parti le cœur, on verra plus tard. Et le point, c'est cette structure absolument gigantesque qui mesurait 15 mètres de long et 5 mètres de large, qui a été fabriquée à Birmingham, qui est peut-être, avec le parc des Princes 93, la montrée la plus forte, la plus spectaculaire, qui est faite sur scène. Le parc des Princes, c'était le corps qui était mis sur les brillants, sur les brillants, mais sans se transformer, sans se transformer mécanique uniquement. Et si tu veux, c'était, moi je me souviens des gens qui venaient le voir pour la première fois, j'en ai vu plusieurs années, ils étaient absolument sidérés, stomatés par cette entrée en scène. C'est extraordinaire, absolument extraordinaire. Le temps qu'ils se retrouvent dans le public, il a fallu abattre un pan du musée. C'est une nouvelle concession de salle qu'on voit entre autres au ministre de l'époque de l'écriture, M. Jacques Armé. C'était le premier d'une série de plans d'énigmes en France. Et c'était une structure. Les portes de Pantin, les portes de la Villette. Il était à la place donc, du Pont de Paris. Port de Pantin, le bateau à les faisant sur le bateau de la Villette. Et ce qui est formidable dans ces élites, c'est qu'il a une visibilité parfaite de partout. Parce que tu n'as aucun pylône, donc c'est une structure compacte, sans pylône, avec une très belle acoustique. Et c'est Renaud qui a été le premier à inaugurer les élites de Paris avec lui. C'est avec ce spectacle absolument magnifique. Donc tu m'as dit, ah bah comment c'est mieux pour ceux qui sont trop tard. La prochaine petite qui s'en va, j'ai envie de dire, particulièrement de ce titre, ben, c'est la première fois qu'il le fait en live, en tout cas, en spectacle parisien. C'est vrai, donc là, il y avait un mot aussi sur la personne qui a fait la mise en scène de ce spectacle, parce que c'est très important, ça s'appelle Hilton Pelico, il était né à Memphis, il travaillait beaucoup à Broadway. C'est quelqu'un qui est dans les milieux de la couture, des décors, et qui s'est fait connaître en France, notamment par sa participation au film de Benex. Il a fait les lumières, les décors, il a été pris 8%. Il a donc donné sa patte, c'est une touche très particulière à ce spectacle, mettant en fait en scène un peu chaque chanson. Alors, c'est pas encore l'époque du clip, ça démarre, mais je clip. Mais tu as un peu l'impression d'avoir sur chaque chanson un demi-spectacle, une mise en scène très particulière. Et sur, j'ai oublié de dire, mais c'est une forme de dernier acte. Ouais, c'est ça, une dernière acte. Ouais, des gens qui dansent comme dans un bal. C'était aussi très agréable à voir. Voilà, on retrouve ce titre à l'origine de l'univers de la vie. Thank you. forcément c'est un accent. C'est la belle histoire. Là, en fait, il n'y a pas de décor. Le seul décor, c'est les 4000, je ne sais pas, des marionnettes et la discussion de Jack Rouvet-Brice. Il y a créé des éclairages. C'est la première fois qu'on peut y aller dans la soirée. Le détour a été fait de ces 4000 projecteurs qui lui permettaient de multiplier les combinaisons de couleurs sur chaque chanson, de créer vraiment une ambiance très particulière. Et c'est un décor. Donc il y avait ça, Jenny, qui était dans une forme exceptionnelle, et là, quand j'entends cette interprétation de ma gueule, je me dis, c'est pour tous les auditeurs, pour peut-être me l'ignorer, une ambiance extraordinaire qui avait pour cette dernière, parce que c'est vraiment une interprétation. C'est un relâche complet et donc on se demande encore plus ces dernières. Donc on ne s'économise plus pour le lendemain, pour que ce soit, on donne tout et après ça sera tout. Voilà, c'est vrai, il y a 20% tout le temps, on prend un peu la route. Mais vraiment un spectacle magique qui est d'ailleurs en DVD. Il y a un DVD qui est sorti récemment. Et le travail de notre Nico et de Véronique combiné. Là, la retranscription qui a pu faire, le remixage qui a pu être fait par Jean-Étienne Russe, puis c'est au Stonehouse. Vraiment, ça nous a introduit, mais de quel plaisir. Je crois que c'est une des plus belles archives qu'on a sorties, je pense, en termes de qualité, je pense que c'est une des plus belles archives de la collection. Et c'est vrai, mais c'est après, on va écouter, on écoutera aussi une 91, qui est aussi une très très très belle archive, mais qui est un peu moins complète. C'est la totalité du spectacle, et on se regarde. Très bien, alors. Et on continue toujours dans cette lancée en vous proposant deux titres entre les lancées de lentilles et le titre quand on a le tour à fond. Entre les lancées de lentilles, l'aspect du 45 tours, c'est le mot de deux papas qui est disponible. Et comme vous l'avez fait présenter déjà, là, il y a 15 jours de ça, lors de la promotion encore de cette sortie archive live, je vous rappelle, ça sort le 30 novembre. J'ai tout le monde donc c'est une chose de plateforme. Thank you. ça sera coupé en deux, avec un rideau. Et moi, je me souviens d'avoir vu que ce soit avec même pas le parterre plein. Ça aurait été 1500-2000 personnes, ça a empêché de faire un super spectacle. Il s'est passé plein de choses pendant cette période-là. C'est l'époque où la BPA est un peu ressorti. On avait oublié. Ça m'appelle parce que je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes de logement comme du froid. Anthony a soutenu la BPA. Elle s'est déclarée comme ça aussi. C'était l'ensemble de ce spectacle. Alors, elle a fait aussi que c'est. Donc, c'est la première fois. C'est sûr, quand il a fait une erreur, c'est une erreur. Oui. Mais la BPA, c'est pas cette erreur de 85, parce qu'elle est connue chez moi en 86. C'est ça. Donc, il y a aussi un spectacle en 85. J'ai accès. Les deux se rejoignent. Il y avait aussi. Organisée par l'énergie, par une personne pour la défense de la radio libre et d'énergie. Donc il se passe beaucoup de choses pendant ces années. Il termine donc en décembre, un peu difficilement, les trois premiers mois. Il va se reposer dans la Creuse, chez Nathalie Bonjour. Et il fait un journal inattendu. On va faire un petit clin d'œil, Laurent Marcy, qui est un journal inattendu sur RTL le 29 décembre, je crois. Avec un grand journaliste, c'est Henri Marthe. Il le fait en direct de Buisson. Buisson, c'est le nouveau, il y a des tapisseries extraordinaires. Et donc, le principe, c'est que tout le monde était le rédacteur du journal. Et donc, là, il annonce la reprise, le retour. En janvier, avec des nouveautés. Donc, il semble avoir récupéré et il est en forme. Et ce, on attend donc à nouveau aux Zénith à partir du début janvier, après les fêtes de Noël. Voilà. Et après, on parlera de la structure. Encore à l'extrême, mais d'ailleurs, que vous établissez de concerts, des archives de live, vous êtes de la février 85 et de l'UMA 91, pendant ces deux heures d'émission, déjà 40 minutes de passé. Et bien, c'est la personne qui est là, en fait, qui va que le single qu'il a commercialisé juste avant Zénith avec toute la liberté, c'est les deux titres. Oui, exactement, la première partie. C'est vrai, je peux dire exactement, ça trouve que j'ai bien écouté avec les fans, ça se thank you. personne, tu es pas invité à télé, on vous laissera découvrir la version avec la tronche, avec les anciennes musiques qui étaient en fait bagarrées, et il est tombé dans le rideau et guillotiné, ça rappelait un petit peu la fin de, du Papillon. C'est ça. Sauvez-moi du Papillon de Paris en 1979. Et donc il revient, à l'entraide des questions. Je me souviens que les parfois des soirées ont été très très longues, on a eu beaucoup de programmes, on a eu beaucoup d'esquimaux, etc. Les esquimaux, je suis très franc. Dans la salle de pêche. La chèvre était là. Et donc, la deuxième partie, le cœur qui revient sur scène en traversant un cœur rouge magnifique et tout, dans un costume à la berge, avec une guitare rosée, bleue, rouge et blanche, qui est absolument magnifique sur un type de Hugo Lewis. Donc, la pop rock'n'roll, le cœur du rock'n'roll qu'il avait créé pour ce spectacle. Voilà, mais on vous fait des déchets pour demain. Là, ça m'est parti de son concert. que ce soit pour l'instant, on va se concentrer sur le 2 février 1985, le 7 février 1985. Et on sait que la tournée a été longue, mais il n'a pas été sans rebondissement aussi pour Johnny Hallyday. Le spectacle a repris donc en janvier, très bien version de Joe, d'ailleurs, on l'a écouté. Et le 9 janvier, le matin, j'écoute le vent à la radio, et qu'est-ce que j'entends? RTL qui annonce que la veille au soir, donc pendant le bonheur du week-end, Johnny s'est effondré sur scène et il s'accorde. Et donc, il a dû arrêter son spectacle et a été hospitalisé. Et donc, effectivement, le spectacle a été interrompu pendant quasiment un mois. Alors qu'on a annoncé à mon nom qu'il allait reprendre mi-janvier et tout ça, et les médecins ont interdit, il a dû se reposer. Et il a été à l'hôpital pendant quelques temps, et sur son lit d'hôpital, Max Régnier, animateur d'RTL bien connu, qui est sous un cas. C'était une interview absolument marquée. Si vous avez l'occasion de la réécouter, écoutez-la, puisque Johnny se livre totalement et dit alors que Max lui dit bah, tu vas faire peut-être un peu attention, un peu plus prudent. Alors que tu ne meurs jamais, n'est jamais mieux. Il n'est pas question que je fasse des spectacles longs et je vais attaquer le pied au plancher, tu vas voir ça a été. Et donc c'est une super interview. Et puis voilà, Max se retrouve avec Nathalie Baye et il revient sur scène le 31 janvier. Évidemment, sur la route, avec des publics et des salles formidables. Et donc, c'est cette toute dernière qu'on écoute. Et on va enchaîner avec un titre encore de cette dernière qui est. Qui est moins sur le ça, je suis bien fait. Je me sens si thank you. cette version de Tite Cantelet, elle est faite pour ce spectacle un peu décevant de la politique et tout. Et donc, c'est il faut aussi saluer la qualité des musiciens qui accompagnent Johnny sur ce spectacle. On va tous les citer, ils sont très nombreux. On peut parler de Rocky à la guitare, on peut parler de Doudou à la batterie, d'Eric Bois qui a été l'arrangeur de son projet d'orchestre, on est restant dans une balle de Spélac. Ils ont fait un boulot formidable. Eric Bois, donc, on ne sait pas que c'est un ancien musclé. C'est un ancien musclé, il a joué tout à fait. Ça sortira le 30 août. Moi, j'ai tous les bons disques avec ça. Thank you.

c'est le 2 février 1985. Donc, elle n'a pas entendu. À présent, nous fonctionnons passer à la fête de l'unité de septembre. Nous allons voir les marchés de Fatima, et aussi le 30 août 2023. Il y a une histoire au Cambodge, c'est une boîte qui était retrouvée là. Parce que moi j'avais le pirate, et donc j'ai pu vraiment confirmer ces directs, tout ce qui a pu aussi de la journée. Et ensuite, pour le dire, que ça avait bien été diffusé sur RTL, et que c'était bien une captation RTL. Voilà l'histoire de cette fameuse histoire de la Rome. Et merci à ceux qui ont été les parler de ton cahier. C'est pas vous, on prend le film. On va écouter le suite. Je suis de la régionalité à l'issue de l'Imam 1991. Thank you. c'est ça, oui. Et là, la cité 90, c'est le type d'ouverture. Et à partir de la cité 90, c'est un type qu'on va retrouver extrêmement souvent, très régulièrement dans les choses du pays, et qui est un formidable type de. Moi, de toute façon, la couleur de ce concept de la cité 90, pour dire pour commencer, c'est très grand, c'est très. Avec une épicerie de découverte de ce concert de Jacques Delima, avec une option suivie de Diablo de Mozart, un titre qu'il a chanté donc à Bercy, et puis qui est rentré dans le premier scène de découverte de ce concert. La version de la reprise de Michel Berger, la version de France Gall, à la sauce qui est à l'idée. scène de SOS, le racisme. Ensuite, il est le ciel de la comique pour la tête de la musique. Une soirée absolument exceptionnelle, extraordinaire. Il y avait un fou, fou, fou. Il y avait des images magnifiques. Et dès la fin du show, il est avec escorté par des moteurs. On l'emmène au Trocadéro. Il va en direct pour TF1, parce que c'est la fête de la musique. Et alors, à nouveau, les trois titres. Donc, on est présent. Il sera également l'invité de Anne Sinclair, la fameuse émission 7 sur 7. Émission un peu politique, je voulais dire, c'est dans le réseau. Il a chanté à Londres. Thank you. Et à chaque fois qu'on demandait des fouilles immenses, en 85, je me souviens, il était, c'était un cas de retour après son opération de la hanche, et il était dans une forme physique extraordinaire, un t-shirt blanc, et puis il avait travaillé une berger, il a senti son disque de temps en temps. Et là, il comprit finalement que sa tournée, c'est une extraordinaire tournée, parce qu'il est arrivé au point de vue du Sporting de Monte Carlo. Il avait pris ça, je crois, à Monte Carlo, et puis là, il a encore des concerts à faire. Il a commencé l'enregistrement de ce chant espagnol, il va partir au Portugal tourner les gamines, parce qu'il n'a pas le temps d'inspirer, donc très vite tout ça va s'enchaîner. On va repartir sur une nouvelle aventure, on va partir sur la Merci en 92, le parti prend son profil. Les années 90 et 2010, c'est des consécrations, vraiment. C'est une décennie absolument exceptionnelle. Et puis on peut dire merci aussi également aux transfrontières. Merci à toute son équipe. Merci à la France. Ça s'est fait évidemment avec Jean-Claude Camus, avec Jacques Foulis, avec Léon Chabriol et avec Bernard Schmitt. Il y a aussi avec Babi qui est présent dans toutes ces années, qui travaille beaucoup sur le cartiste. Et c'est une super équipe, parce que c'est bien la plus forte. On s'en fait aussi, parce que c'est quelque chose de reste là. C'est comme ça, avec les maisons de liste, tout se passe bien. Les albums sont des marchés bien. Donc voilà, c'est une belle année. On a expliqué pourquoi, normalement ce sera en juin, on a eu du temps dans les bandes, donc il a fallu le temps de numériser, d'avoir toutes les autorisations, par exemple c'est Chéla, c'est pas que Chéla, on n'est pas que du ressort, mais c'est pas quelqu'un avec qui on a l'habitude de travailler, donc il a remonté, près de ses électrons, c'est pas la maison de disque, c'est pas la maison de disque, il a fallu qu'elle ait été demandé à écouter ce qui est tout à fait normal, et a donné son accord, avec Rémi Michel, on a eu l'accord, d'accord, c'est un problème. Avec Chéla, c'est un petit peu plus long, ça prend du temps, et finalement, c'est un peu décalé tout. Tout est sorti. Donc, après ces archives, on va se repencher sur les livres disques. Parce que ça sera après la prochaine sortie, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais il n'est pas sur le prochain livre disque, c'est presque terminé. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de sortie programmée pour ce livre disque. Il y a un autre projet que vous avez pu avoir avec les équipes symphoniques et tout ça. Il y a un projet ça, je ne sais pas, des projets, bon, il n'y a rien d'arrêté. Je crois qu'ils vont qu'à ça en 2025, on va refaire quelques concerts dans des festivals ou autres, mais pas appuyés par une certaine voilà. Comme on l'a vu aussi, vous avez fait deux ans, mais ça, c'était des fameuses compilations qu'on avait Johnny Pernier, Ça, c'est une compilation. Des compilations, c'était pas la première fois, il y avait un accord. Thank you. Donc,